Casbah, the radio show starts now. Hey hey, salut à vous amis rockeuses, amis rockeurs, et soyez les bienvenus dans cette nouvelle mixtape de l'été de Rock à la Casbah. Cette semaine, Alexandre Serge s'est emparé de nos ondes avec un enthousiasme débordant. Français, expatrié à Montréal, Alex est guitariste-chanteur et entre autres ex-membre de Def et des Quetzalsnakes. Il officie actuellement sous le pseudo d'Alex Cyprine, son projet solo. Il a pris un grand soin à sélectionner pour vous la fine fleur de la scène underground montréalaise. Le choix a été difficile parce que les bandes sont nombreux dans la capitale de nos cousins américains et que d'après ses dires, nombreux sont ceux qui touchent à l'excellence. Vous reconnaîtrez certains groupes de cette mixtape, mais vous en découvrirez sûrement aussi beaucoup, en tout cas je l'espère. Au programme de cette playlist 100% montréalaise des groupes francophones, mais aussi anglophones, car vous le savez sûrement, la magie de cette ville réside en sa diversité de langues et de cultures, qui, immanquablement, font de sa scène musicale un vivier d'une mixité formidable. Tout de suite donc, Chocolat, Corridor, Lemon Grab, Double Date with Death, Les Envahisseurs, Paul Jacobs, Tangerines, Le Vaisseau d'Or, The Land Waves, No Negative, Morthouse, Destruction Derby, Incredible Woman, Drones Club et Alex Cyprine. Bon été, profitez à fond des festivals et don't forget to stay wild. To me. écouter ce que j'ai à dire. Les mecs comme toi, ça nous fait rire. Arrête de te croire supérieur aux autres. Bientôt tu n'auras plus d'apôtre, car tu es trop snob pour moi. Tu es trop snob pour moi. Tu es trop snob pour moi. Pour moi. got the Minnesota Fats blues, baby. Wish I could pull me a hustle like the best of them. I'd get it right in every time. Got the pool shark fever. We'll be right back. on the motherfucking rock and roll, talk about precious numbers. Living the town, and we talk about this craft. And if you could just maybe make yourself a little more available, I'm gonna get a chandelier.